La veuve Barnabé par Frances Trollope. Tome 1er. Chapitre 1er. Miss Martha Compton et Miss Sophia Compton étaient, il y a quelque 25 ans, les beautés qui donnaient le ton à la jolie ville de Silverton dans le Devonshire. L'aînée de ces demoiselles est la personne que je me propose de présenter à mes lecteurs comme l'héroïne de mon roman. Mais avant qu'elle soit arrivée à tenir devant eux le personnage que mon titre lui assigne, il sera nécessaire de donner une légère esquisse de sa première jeunesse, ainsi qu'un bref aperçu de sa famille, afin de faire plus clairement comprendre les événements à venir de sa vie et le caractère des individus qui y seront mêlés. Le père de nos deux jeunes personnes, le révérend Josiah Compton, était le plus digne homme du monde, doué d'un naturel plutôt doux et paisible que brillant. Lui et sa sœur Elizabeth Compton, pauvre fille contrefaite et d'une santé délicate, plus jeune que lui de plusieurs années, étaient les seuls aînés d'un squire campagnard, propriétaire d'un petit bien aux environs de Silverton, appartenant à la famille depuis des siècles, et que chaque génération de père en fils avait amélioré. Ce brave homme, dont la seule ambition était d'entendre nommer son fils, le révérend, mourut après avoir reçu cette bénédiction. Il eut encore celle de le voir épouser la belle Martha Wisett, le brillant ornement des salles de bal de Silverton. Avant de mourir, il avait eu soin de léguer son bien à ses deux enfants par partie égale, en considération de la santé précaire de sa fille et en dépit des vives réclamations de sa bru qui revendiquait au nom de son mari les prérogatives du droit d'aînesse. Par ce moyen, la pauvre fille infirme pouvait jouir d'une indépendance qui lui permettait de ne jamais être forcée de recourir à un mariage. Quand la femme du révérend fut devenue Mrs. Compton, elle se montra fort courroucée de ne posséder précisément que la moitié des biens dont elle avait joui à l'avance. Et quoiqu'elle se consolât avec la conviction que sa belle-sœur ne pouvait vivre longtemps, les efforts constants qu'il lui fallait faire pour rester à bon terme avec elle était dû uniquement à la pensée qu'un jour elle et ses enfants hériteraient de la hideuse petite bossue, à moins qu'elle aussi ne fît un testament contre nature, comme l'avait fait son père. Betsy Compton était une drôle de petite créature qui ne manquait pas d'une certaine vigueur, aussi bien d'esprit que de corps, malgré sa difformité. Et comme le côté défectueux de sa nature gisait bien plutôt dans une impossibilité complète d'endurer aucune fatigue, que dans nulle souffrance positive, il était probable qu'elle jouirait de sa confortable indépendance beaucoup plus longtemps que sa tendre belle-sœur ne jugeait raisonnable à la Providence de le permettre. La petite dame mit donc ordre à ses affaires et, fort peu de temps après la mort de son père, régla sa future manière de vivre sans consulter ni frère, ni sœur, ni personne. Toutefois, il est permis de croire qu'elle n'aurait pu mieux réussir eût-elle appelé à son aide tout le conseil de la paroisse. Elle choisit d'abord les deux chambres les plus agréables de la maison pour en faire sa chambre à coucher et son salon. Puis elle marqua le coin le plus chaud et le plus joli du jardin pour y installer son bosquet, son parterre de fleurs et ses ruches. Ensuite, ayant loué le restant de la maison et la ferme qui était fort belle, un jeune fermier nouvellement marié, elle eut soin de se réserver le droit de prendre ce qu'il lui fallait pour son usage personnel en crème, beurre, œufs, etc. Elle vendit au jeune ménage tout l'ameublement du vieux squire, toutes ses belles vaches, et plaça immédiatement cet argent en rente sur l'État, se disant que non seulement elle n'y toucherait jamais, mais que ce serait un jalon de poser pour sa fortune à venir, si bien qu'ayant monté sa maison sur un pied fort sage, il eût été difficile de trouver dans n'importe quel rang de la société une dame aussi réellement indépendante que Miss Betsy. Elle le sentait et en jouissait vivement. Parfois, en songeant à son vieux père et aux soucis prévoyants qu'il avait eus pour elle, une larme brillait dans ses yeux noirs si pétillants d'intelligence. Mais il n'y avait aucune amertume dans ce souvenir attendri, et malgré la bosse de son dos, on aurait cherché vainement, soit de près, soit de loin, une fille célibataire vivant d'une façon plus heureuse. Les choses allèrent bien différemment pour ceux qui héritèrent de l'autre moitié des biens appelés Compton Bassett. Les reproches de Mrs. Compton ne tarissait ni jour ni nuit, et quoique le révérend fût d'un bien trop bon naturel pour en vouloir le moins du monde à sa sœur Betsy, pourtant, au fond, il finissait par s'avouer qu'il était désappointé. D'ailleurs, Sa femme n'arriverait-elle pas toujours à conclure que tout cela était la faute de son mari? Pendant ce temps, les deux petites filles que le ciel avait envoyées en guise de bénédiction à l'union de la douceur masculine avec la rudesse féminine croissaient et prospéraient, du moins au physique, car leur mère s'étant livrée à un système de visite et de commérage, avait à peine le temps de s'assurer qu'elles avaient de quoi manger. Quant à leur père, il s'était pris de passion pour sa pipe et son toddy, seule consolation à tous ses tracas domestiques. Quoique Miss Betsy goûtât fort peu sa belle-sœur et qu'elle se plût vivement l'été dans son joli jardin, l'hiver au coin de son feu confortable, de temps en temps elle quittait l'un ou l'autre pour aller passer quelques heures à Silverton, car elle aimait son frère, en dépit de cette faiblesse de caractère qui lui semblait presque touchée à la sottise. Et se rendant compte qu'elle était absolument un propre mariage, elle portait aux enfants de son frère l'intérêt que tout être humain conçoit pour ceux qui sont appelés à posséder ce qui restera après lui. Pendant plusieurs années, Miss Betsy se berça de l'espoir de voir arriver au moins un des deux événements qu'elle désirait le plus, c'est-à-dire la mort de sa belle-sœur, ou, ce qui pendant longtemps parut avoir le plus de chances de réussite, la naissance d'un héritier mâle à son frère. Mais le temps se passa, et il fallut renoncer à ces deux espérances. Elle ne trouvait malheureusement pas, dans le caractère de ses nièces, une compensation au chagrin de n'avoir pas de neveu. Les deux jeunes sœurs, aux âges respectifs de 15 et 17 ans, étaient les filles les plus belles et les plus présomptueuses qui aient jamais attiré l'attention d'une ville de province. Elles étaient peut-être d'une égale beauté, mais d'un genre tout différent. Martha était grande, avec des yeux noirs et de fortes couleurs. Douée d'un esprit hardi, elle avait l'intime conviction que sa destinée était de s'entendre appeler Milady et de conduire une voiture à 4 chevaux. Sophia, la plus jeune, était moins grande et moins colorée que sa sœur. Elle avait les cheveux blonds et ses yeux, bien qu'ombragés par des cils très noirs, étaient du gris le plus doux. Un teint d'une grande délicatesse, une bouche et des dents que la tante Betsy elle-même ne pouvait regarder sans plaisir, formaient les traits principaux de sa beauté. Miss Martha Compton était douée d'une grande variété de talents brillants. Quoiqu'elle n'eût appris la danse que depuis 6 semaines, elle était de force à pratiquer cet art tous les soirs, et même de le prolonger presque pendant la nuit entière. Elle savait confectionner des porte-cartes et des écrans en carton Bristol, brodés au passé, et ainsi que les plus habiles jeunes personnes élevées dans une ville de province où abondent les officiers, déclamer les stances lyriques de Thomas More, trop souvent profanées. Quant à sa sœur, ceux qui auraient parlé de ses talents eussent été exagérés vraiment, car elle n'en possédait qu'un seul au monde, sans avoir jamais appris, sans soupçonner la valeur même du don que la nature lui avait fait, elle chantait avec la douce légèreté de l'alouette. Et si elle avait reçu les conseils d'un artiste pendant 6 mois, Silverton n'aurait pu se vanter de posséder une des plus belles voix du royaume. Mrs. Compton était fière de ses deux filles, et malgré les difficultés qu'elle pouvait éprouver à leur procurer des souliers et des gants, avec un revenu d'un peu moins de 400 livres sterling par an, les bals d'hiver de Silverton ne s'ouvraient jamais avant que les demoiselles Compton fussent prêtes à y paraître. Il n'était pas de sacrifice que Mrs. Compton ne fît dans son ménage pour subvenir à la toilette de ses filles, et sans sa brutalité envers son pauvre mari, elle aurait pu devenir presque intéressante à cette époque, par l'industrie avec laquelle elle convertissait les vieilles reliques de ses robes de jeune fille en toilettes de bal à la dernière mode pour ses enfants. Et, à tout prendre, les demoiselles Compton étaient étonnamment bien mises. Il est peu de sujets qui aient fourni à la plume du poète autant de belles images que l'amour maternel, et pourtant que de lacunes encore. Où est l'auteur qui se soit donné la tâche de décrire l'activité, la vigilance pleine de tendresse, l'adresse infatigable d'une pauvre mère, à la fois tendre et orgueilleuse, qui travaille à habiller ses filles pour un bal? Qui pourra dire combien de fois les étoffes ont été retournées ou reteintes, tous les coups de fer et les raccommodages auxquels on s'est livré, pour que les demoiselles, qui ne reçoivent que 10 livres sterling par an pour leur toilette, paraissent aussi belles que les dissipatrices qui en ont 500. C'est pourtant ainsi que vont les choses. Et le matin, quand la lumière du jour sollicite les mortels à reprendre leurs travaux, combien de centaines de mères ne viennent-elles pas éveillées, dont la principale affaire est de poser des volants, de froncer, de piquer ou de broder pour leurs filles? Tout cela n'est-il pas sublime? Oui, je le répète, c'est sublime. Et l'indifférence des peintres qui ont laissé ce trait dans l'ombre n'est pas juste. Toutefois, Là ne se bornèrent pas les efforts maternels de Mrs. Compton pour établir ses filles. Une fête servant à la fois d'adieu pour le premier bataillon du régiment de X et de bienvenue au second bataillon du même corps, qui venait remplacer le premier, allait être donnée aux familles des environs par les officiers du premier bataillon. Je parle ici de l'année 1813, époque où les jours de gloire d'un régiment de province existaient encore. Ai-je besoin de rappeler les tendres désespoirs, les espérances vives que suscitait alors le départ d'un régiment et l'arrivée d'un autre? Tel était l'événement qui allait prendre date dans les annales de Silverton et pour lequel Mrs. Compton, s'armant de courage, résolut d'affronter la retraite, bien rarement visitée, de Miss Betsy, afin de tâcher d'obtenir d'elle un petit secours d'argent devenu absolument nécessaire. C'est une fête si différente de toutes celles qu'on a données jusqu'ici, observait judicieusement Mrs. Compton en causant avec ses filles, qu'il n'est pas possible de ne pas faire plus de frais cette fois-ci que d'ordinaire. Et quand je devrais vendre nos cuillères d'argent, quitte à les remplacer par du plaqué, il ne sera pas dit que j'aurai vu mes filles mal fagotées à la face de deux régiments. Mais, hélas, mes enfants, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent qu'il vous en arrive. Et pour vous dire la vérité vraie, nous n'avons plus que 20 livres à la banque jusqu'à la Saint-Michel, et le boucher n'a pas été payé depuis 5 mois. Ne prenez pas votre air enfrogné, Martha. Voulez-vous que je vous dise ce que j'ai l'intention de faire ? Dame, à moins que ce ne soit d'aller faire le tour de la chambre du mess des officiers avec un petit plateau à la main, ou en l'honneur de nos beaux yeux vous rapporteriez peut-être de quoi remplacer nos vieilles robes de mousseline teinte et nos ornements d'argent noirci, répliqua la spirituelle jeune fille, je ne vois pas trop ce que vous pourriez faire, ma mère. Eh bien, je vais m'en aller à Compton Bassett, Martha, et tâcher d'arracher à votre corne de bélier de tante un billet de 5 livres. Comme elle est aussi vaniteuse que laide, en lui disant que cet argent est destiné à soutenir l'honneur de sa famille, je la déciderai peut-être. « Allez, ma mère, à tout hasard, » répondit la jeune personne avec un sourire ironique. « Tout ce que je sais, c'est que depuis ma naissance, elle ne m'a jamais donné autre chose qu'une Bible et un livre de prière. Il ne m'est donc nullement prouvé qu'elle veuille commencer aujourd'hui. Allez, cependant, ne négligeons aucun moyen. Mais si vous ne réussissez pas, voici ce que je ferai à votre place. » « Voyons, que voulez-vous dire ? » J'irai au magasin de Smith, le prier, en manière de confidence, de me faire crédit un peu plus longtemps, l'assurant qu'il peut compter être payé à Noël. « Cela, je ne le peux pas, Martha Compton. Votre père lui a déjà fait un billet de 30 livres, payable en novembre, et il aura de la chance s'il n'est pas protesté, je vous en réponds. Smith en sait trop long sur nos affaires pour se laisser endormir comme cela. Fort bien, partez donc, ma mère. » Si je ne savais sûrement rencontrer le capitaine Tate sur la route de Silverton, j'aurais été avec vous. Mais vous savez, je ne serais nullement étonné qu'il en vînt à me faire une proposition de mariage. Vous n'y allez pas seul, sans doute. Rappelez-vous bien qu'il ne faut pas faire parler de vous juste au moment où un nouveau régiment arrive. N'ayez pas peur, Sophie viendra avec moi. Elle espère retrouver Willoughby. Bien, prenez garde à vous, toutes deux. Et surtout, garantissez bien vos coups du soleil. Après avoir donné ces importantes injonctions, Mrs. Compton partit pour son expédition. Le chapitre suivant en donnera le résultat.